amis complexes chez eux. Numéro V1, appel à ceux du régime contrôlé de nos origines. On partage la même technologie pour signe de paix. Première E, chez eux, feu, petit escargot, le cargo est passé. Ils nous ont donné des outils de restauration des planètes dans notre univers. Les logiciels pour créer des jeux qui nous parviennent avec animaux, nouvelles recettes au restaurant, nouveaux plateaux, entre autres. Amis, amis, on se ressemble et on forme ensemble comme Mortal Kombat. Transformers nous ont donné des voitures qui roulent, mais on ne sait pas tout du tout, je mets le doute. La bécane sur un autopilotage avec le dernier fonctionnalité écran et table de bord, véhicule électrique, c'est hic et tic pour un hit. Je donne du pétrole et fous les gaz pour la chambre à construction par magie. Le feu détonateur premier j'en jette. Le bien-être c'est se reconnaître. La mythologie grecque sont venus nous faire valoir le tic-tac feu. Aucune ombre en vue sur les flammes, je dégaze. La magie opère et il n'y a qu'une fiction pour la création de la fumée FX. La main se tend quand on fait des affaires. Je joue petit mais gros jeu. J'ai investi à centime, maintenant je pèse plus lourd. Je suis hostile, professionnel, 20 ans de QV, je réagis, la suite qui est, et j'espère. Tous les chemins mènent à Rome, car toutes les guerres se gèrent. Ils sont venus nous interagir pour nous protéger, entre autres, ils se régalent dans les feuilles OCB. On nous en avons comme le savon de Marseille. Les Incas se créent nos terres et nos montagnes qui s'y frottent, s'y piquent. Le diable a trouvé refuge ailleurs dans notre galaxie, j'apprécie. L'orifice des mains in black ont été créés comme race secondaire à la nôtre. Qui s'y voit, qui s'y renvoie, qui rejoint, qui ont applaudi. La justice règne entre nous, tout avec des contrats de pacte pour maintenir l'ordre des choses. Tout est bien placé, chaque chose à sa place dans le système 10-2048. Les chats et les chiens doivent parler comme les oiseaux qui le portent Peggy 70. Je tourne. Je trouve des animaux comme le chien d'Harry Potter réel dans notre jeu Marzo. Pour sa journée des vacances, on dépasse. La main se tend quand on fait des affaires. Je joue petit mais gros jeu. J'ai investi un centime, maintenant je pèse plus lourd. Je suis au timer professionnel, 20 ans de QV. Je réagis, la suite est pliée, j'expire. La station navale de l'île, elles sont plus là. Les satellites opèrent de basse altitude pour l'altitude, c'est de l'autonotune. Le drapeau est levé marron, blanc et black de la mafia à chaque mafia.